Interface. Une émission d'échange, une émission d'écoute critique et de questionnement. Interface. Moussé Lambert, nous pas qu'un bécrasse. Vous avez l'idée, c'est crasé, barrière pas comprendre. Chita parler, t'as changé la vie. Interface. Une émission hebdomadaire, chaque dimanche à midi. Reprise le mercredi soir à 9h. Interface. Simbarélé, m'a tout fait. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans Interface. Nous prenons chita sous la justice aujourd'hui. Et invité nous, on a 35 ans, des mariés, des gagnants petites, universitaire licencié en droit, diplômé dans sciences criminelles dans l'université Montesquieu, Bordeaux 4 en France. Il a passé 2 ans formation dans l'école nationale magistrature Bordeaux en France. Côté, il a joint un diplôme. C'est un des premiers magistrats qui recevoir formation pour ça d'ailleurs en Haïti. Il a représenté Haïti plusieurs fois dans les Nations Unies, dans Vienne, dans le cadre de la Convention contre la criminalité transnationale organisée, que Haïti signe en décembre dernier dans Palerme, dans le pays Italie. Il est formateur dans l'école magistrature haïtienne dans Port-au-Prince. Claudie Gassian, bonsoir. Bonsoir Pierre-Emmanuel. Nous baillons tout détail ça à un moment dans l'interview, parce que il y a certains secteurs qui voulaient questionner compétences juge instruction Claudie Gassian. Mais c'est pas ça, nous parlons pas avec magistrat aujourd'hui. Au contraire, nous parlons fait magistrat fait comprendre puis bien travail. Le magistrat d'abord avant de commencer, nous t'aimerais que maître Claudie Gassian explique pour auditoire là qui sa métier juge instruction est, ça veut dire rôle dans appareil judiciaire. Pierre Emmanuel, avant que me commencer situer rôle juge d'instruction dans travail, comme on dit, judiciaire. Hein. Je commence par dire que dans la fonction judiciaire, il y a 3 fonctions en fait. Il y a la fonction de poursuite, c'est parquet hein, qui a fonction ça. Il y a la fonction d'instruction, c'est le juge d'instruction qui a fonction ça dans Mali. Et puis, il y a la fonction de jugement, c'est tribunal. Donc, le, par exemple, parquet, tribunal civil, si n'a pas eu de Port-au-Prince, tribunal civil Port-au-Prince, décider mettre l'action publique en mouvement contre le monde. Si c'est un crime ou bien si c'est un délit complexe, parquet la prouvé une information judiciaire à ce moment-là, la voyer dossier hein, by cabinet d'instruction. Et cabinet d'instruction qu'on y a gain pour rôle pour les mener enquête, pour les faire tout acte que les estimer utile à la manifestation de la vérité. Et le les fin fait dossier ça, fin fait enquête ça. L'estimer que l'enquête l'arrivée non au niveau côté que li y a assez d'éléments, la voye le retourner bay parquet et c'est parquet à ce moment-là qui va le saisir juge et va saisir tribunal là pour faire jugement si jugement a bien. Juge d'instruction le la mener enquête li pas supposé gain barrière. Juge d'instruction li ka fait tout acte comme modèle qui est que l'estimer utile. Par exemple, les cas fait perquisition, les cas fait arrestation, les cas fait saisie, les cas fait, par exemple, demander police scientifique pour réaliser des expertises, tant qu'on dit, les cas fait demander réaliser des expertises balistiques, c'est un document qui a demandé pour les faire expertise d'écriture, par exemple. Juge d'instruction, les gains pour tâche tout pour le temps des mounes. Tout le monde, ça veut les témoins, par exemple, qui a porté information, éclaircissement. Sous acte qui commet là. Les cas interrogés, mundo que les inculpés. Tout comme tout le cas fait, ça n'a pas confrontation. Sont ces deux actes que le juge d'instruction doit réaliser pour permettre que les mettez dossier en état pour recevoir un jugement s'il a fait une ordonnance de renvoi ou bien tout s'il fait une ordonnance de non-lieu pour dire que dans le dossier ça, pour infraction ça, mais ça rejoint. Et le pas quoi que moun yo mette dans le dossier ou bien moun li gen dans le dossier, li ka poursuivi. Maître Claude Gassian, souvent gen des confusions au niveau justement du rôle du juge d'instruction et rôle commissaire gouvernement. Qui bon job juge d'instruction en campé, qui bon job commissaire gouvernement fini, est-ce qu'on capable faire différence là ou bien établir limite yo? Dossier li ka commencé de deux façons. Un monde qui est victime qui a déposé plainte, soit la police, soit devant juge de paix, soit devant commissaire gouvernement. De toute façon, dossier la passe devant commissaire gouvernement. commissaire gouvernement qui recevoir plainte au monde ou bien dénonciation, commissaire gouvernement ouvre information, ouvre dossier à bail juge d'instruction et à ce moment-là, il fait sa réunion réquisitoire d'informer pour saisir juge d'instruction. Yon moun ka estime la victime tout, li vin déposer plainte directement devant juge d'instruction. Et juge d'instruction à ce moment-là, l'a communiqué dossier à bail commissaire gouvernement pour commissaire gouvernement cabali réquisitoire d'informer encore. Mais à partir du moment que commissaire gouvernement fin voye dossier dans cabinet d'instruction, c'est juge d'instruction qui a toute autorité sur dossier. Quoique, il a toujours été en contact avec commissaire gouvernement parce que grand forme d'aller venir qu'a fait de temps en temps de transmission pour demander commissaire gouvernement à ville sous une série de actes par exemple que le dadoué poser. Donc à bail exemple, il y a un monde qui est en prison et puis avocat mais fait une requête et adresser juge d'instruction une requête au fin de me lever. Juge d'instruction les gars pour le communiquer requête ça bail commissaire gouvernement pour demander la ville et commissaire gouvernement tourner bail juge d'instruction qui à ce moment-là seul chef pour décider si la plagué moun nan pour un petit moment ou bien s'il pas plagué du tout. C'est-à-dire s'il a bail moun nan me lever ou bien s'il pas bail. Donc chaque monde rete dans limite yo. Commissaire gouvernement même lorsque li t'a mandé juge d'instruction pour le ta fait un acte par exemple encore dans cadre et mais levé que avocat te ka mandé juge d'instruction si commissaire gouvernement dit li pas d'accord juge d'instruction li gen droit bail mais levé. Si commissaire gouvernement a dit li d'accord juge d'instruction gen droit pas d'accord li pas bail mais levé. Donc juge d'instruction pas gen obligation pour suivre sa commissaire gouvernement mandé. Est-ce que il y a des grades au niveau de question juge là parce que gen parole qui qu'on a parlé ou simple juge ou bon petit juge qui différence qui gagne au niveau de responsabilité du juge établit différence pour nous entre juge d'instruction juge de paix juge ceci. Bon nous qu'a parler de la magistrature en tant que telle. Son monde t'a traité un juge de simple juge ou bien petit juge c'est que monde ça pas gagne respect pour la justice en tant que telle. C'est que monde ça réduit la justice à la simplicité. Pas gagne un petit juge, pas gagne simple juge. Un juge de paix pas pipiti que un juge d'instruction, tout comme un juge d'instruction pas pipiti que un juge à la cour de cassation. Un juge était un juge, une personnalité, une autorité judiciaire jusqu'à ce que il pas là encore. Chaque monde gagne attribution par eux. Juge de paix lui-même, li son juge qui gagne toute autorité pendant que l'a exercé fonctionne. Ils sont juges qui dépendent dans fonction sanitaire et police, dans fonction de police, ils dépendent de commissaire auxiliaire, commissaire gouvernement. Mais dans fonction de juge, c'est-à-dire dans fonction de jugement, il a fait une audience par exemple, il n'a pas gagné l'ordre pour le prendre, mais personne, il est seul chef pour décider parce que son juge contravention que lui. Et dans le cas de ça, il n'a pas recevoir l'ordre de personne. Il a la même autorité à n'importe qui juge. Juge d'instruction lui-même, son juge qui l'a pour le mener enquête. Il pas prend l'ordre dans mes personnes tout là maintenant enquête li et son juge du siège que li est tout parce que parfois il y a des jours dans semaine dans souvle li kon dans salle d'audience côté que la fait jugement ta kon n'importe qui juge c'est même pour un juge cour de cassation qui a attribution pâle ça pas veut dire que son juge qui supérieur à juge d'instruction bien supérieur à juge de paix tout juge était un juge avec autorité que la loi accordé à fonction que l'a exercé. Gagné un problème qui posait pendant dernier jour ça yo au niveau de Baolod avocat yo qui fait sortir une lettre publique pour dénoncer comportement justement en tant que juge juge d'instruction qui d'après ça dit pas reconnaître droit avocat gagné pour accompagner client yo qui convoqué dans cabinet d'instruction. Première réaction par rapport à lettre ça sortir. Faut me dire que le note ça sortir ça t'a touché mon pile parce que ça atteint directement personnalité et ça a une tendance à ternir image juge Claudie Gasson. Pour qui ça fait me dire ça? Parce que imaginons que dans le tribunal, si un avocat, si l'autre des avocats gagne un reproche ou bien un bagage quelconque contre le juge Gasson, gagne une forme que le dadoué fait. Ça qui sorti là m'a pas qui j'aime ta interpréter parce que moi crois que juge donc a toujours attaqué la forfaiture et il y a des voies légales que bah ou attaque à suivre. C'est une note de presse que la presse gagne avant, et l'aime me dit avant m'exagérer, parce que je ne vais jamais gagner. C'est un note de presse qui est affiché dans le tribunal là. Donc, je pense que même par délicatesse, même par décence, je suis supposé adresser mon copie. Donc, je suis supposé attendre la presse tant que tout le monde. Le fait comme ça, il y a une raison et je vais chercher qui raison de gagner ça. Parce que ce n'est pas fonction. Nous. Chercher qui raison de gagner tout le monde, l'offre ma gagne. Seulement, je dis que je n'ai pas saisi qui ça que vous voulez dire exactement. Je vais reconnaître droit avocat pour l'assister client. Je ne sais pas non. Parce que la Constitution dit clairement que l'avocat a le droit pour l'assister client. La Constitution dit clairement que ils ont inculpé, ou bien ils ont prévenu, ou bien ils ont accusé, a le droit pour l'assister de un avocat, ou bien d'un témoin que l'on choisit. Forme de que, sincèrement, je ne comprends de qui ça que a parlé exactement. Alors, et pour édification auditoire là, et peut-être que ça a servi ou, n'a pas lecture de notre public ça, que Barreau, l'autre avocat, mettait dans la rue, côté, il dit, nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. L'article 25.1 de la Constitution est d'une rédaction si précise qu'il ne saurait souffrir de mésinterprétation. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince est extrêmement préoccupé par les nombreuses plaintes de membres de la corporation qui dénoncent l'attitude du juge d'instruction Claudie Gassan. Ce magistrat dénie aux avocats le droit de leur est constitutionnellement reconnu d'assister leurs clients convoqués au cabinet d'instruction. Il entend ainsi revenir sur la procédure applicable en matière d'instruction et appliquée jusqu'à date par tous les magistrats instructeurs. Le justiciable qui exige le strict respect de ses droits court le risque de subir le poids des moyens dissuasifs dont dispose le juge d'instruction qui a la faculté, après l'avoir interrogé, de convertir le mandat de comparution en mandat de dépôt ou d'arrêt. L'insistance de l'avocat à assister son client peut facilement exposer ce dernier à une détention arbitraire. Pareille situation constitue une entrave intolérable à l'exercice de la profession d'avocat et une violation flagrante des droits de l'homme. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince entend à ce que toutes les garanties constitutionnelles reconnues aux citoyens et à leurs défenseurs soient respectées. La présence de l'avocat au cours de la comparution de son client au cabinet d'instruction est aussi profitable à la justice, étant de nature à attester de la régularité de l'instruction. L'Ordre des avocats de Port-au-Prince insiste une fois de plus sur la sérénité qui doit prévaloir dans l'administration de la justice et sur le respect dû à tous les intervenants, judiciables, magistrats et avocats. Ces protestations répétées face à cette situation inusitée l'ont convaincu de la défense d'un principe aussi fondamental ne peut se confiner dans l'enceinte de palais de justice. C'est pourquoi l'Ordre des avocats de Port-au-Prince entend associer le public à ces démarches tout en le rassurant qu'il ne reculera pas devant ses responsabilités. Patati et patata, suivent les signatures de Rigaud Duplan, de Renel Sanon et de Seyid Jean, qui sont les membres du comité exécutif de l'Ordre des avocats. Alors, il y a un problème que monsieur opposé, magistrat, gombagay fondamental, personne ne peut témoigner contre tête li. Monde qui est capable de faire qu'on limite notre témoignage lié, c'est certainement avocat. Parce que, monsieur Audi, un mandat comparution capable de changer en mandat dépôt ou en mandat d'arrestation, il oppose d'abord droit avocat à gagner qu'on va respecter, d'après eux, et puis droit que client a, que monde qui joue une convocation à gagner, qui va respecter selon principe en matière de droit pénal et droit judiciaire. Je suis de lecture sur ce bail-là. Je suis tenu deux bagailles. Premièrement, vous parlez de témoignage. Je crois que un avocat qui a justifié un texte qui a le droit pour l'assister un témoin dans le cabinet d'instruction et même dans une salle d'audience. Un témoin. C'est un simple particulier que la justice relève pour venir parler de un bagage que t'attendait ou bien un bagage que t'a ouais. Un témoin pas gain droit. Un témoin pas en partie. Témoin dans la procédure, par exemple, juge d'instruction à mener, un témoin n'a aucun intérêt. Un témoin, c'est un citoyen qui a rempli un devoir civique. Et devoir civique, ça, il n'a pas gain protection que un avocat qui a venu un témoin, ça, il a rempli un devoir comme ça. Parce que pour qui ça? Témoin, il dit, ça le connaît. Je ne crois pas que l'avocat a dit que ça témoin dit le connaît, ce n'est pas ça. Ou bien Jean dit le connaît, ce n'est pas ça. Je ne crois pas que wol avocat a joué pour un témoin. Parce que pour qui ça? Le avocat a venu dans le cabinet d'instruction avant que l'État commence par assister. Il faut que l'État prenne connaissance de dossier pour le connaître comment il peut assister mounan pour que valablement il peut assister et assurer défense mounan. Est-ce que c'est déduction magistrat ou bien c'est marge de manœuvre que la loi baille ou même? C'est marge de manœuvre que la loi baille et à travers la doctrine également. On apprend article 25.1 que yo fait mention de lui dans notre dépression. Si moi lis bien, il dit, il disposait que nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou d'un témoin de son choix. En point groupe de mots ça, nul ne peut être interrogé. Ok? Interrogé. Dans le domaine juridique, qu'est-ce qu'on appelle la terminologie juridique qui permet que le... Même genre dans tout l'autre corps de métier, le jargon, métier, le jargon qui du existe. Métier, voilà. Et dans la terminologie juridique, là, ils permettent que nous-mêmes, le n'a parlé, chaque mot que nous dit, nous connaissons qui ça nous voulait dire. On témoin, il vient déposer. Et le il vient déposer, le juge a une faculté pour poser la question sur ça, le fin dit, hein, pour qu'éclaircir quelques points qui t'a capable être troublant dans ça le dire. Et déposer le vin déposer ce c'est pas un interrogatoire. Déposer le vin déposer ce c'est pas un interrogatoire. Même questionnement qui pourrait le suivre c'est pas un interrogatoire. Même questionnement qui pourrait le suivre c'est pas un interrogatoire. OK? Pour le commun des mortels, c'est un interrogatoire. Mais pour nous-mêmes juristes ou bien nous-mêmes magistrats, c'est pas un interrogatoire. Parce que pour qui ça, ne pas accuser de rien. C'est une information, les vins ban nous seulement nous avons droit pour nous demander pour l'éclaircir. Détail, c'est-à-dire c'est un approfondissement. Un approfondissement pour éclaircir, okay. En quelque sorte, ça le soutient. Ok. Il n'y a pas droit à assistance ou avocat pour être ça. Oui, mais parce... bon côté, nous avons posé un problème. Ou dit en même temps, c'est pas un interrogatoire, donc on pas accusé de rien, mais le témoigner et que juge la gain l'attitude, la loi bal droit de changer mandat de comparution. Ça, donc, une simple invitation à un mandat de dépôt qui est capable de faire monsieur retrouver le pénitencier national. Ou venir sous deuxième étape là. Deuxième étape là. Côté que ça avocat dit, il n'y a pas jamais fait. Parce que moi, j'ai 2 ans et 2 mois de carrière. Je crois que j'aime tendre un témoin sans avocat et que après il retrouver le pénitencier national. Si vous avez un exemple, que vous avez un exemple. Ça pourquoi j'aime fait parce que juge, c'est premier protecteur. Premier garant droit citoyen. À partir du moment que le juge n'en connaît que, il y a des indices qui ont fait que Mounsa a retrouvé la pénitentiaire nationale, j'en dis, le juge a pour devoir pour inculper Mounsa et pour ne pas attendre comme témoin. C'est-à-dire que le jour où le juge est sur le lidou, c'est pour témoignage que vous voyez on met content. Parce que déjà, il n'y a pas d'intention pour rien. Yon moun ki le ou moun pran statut inculpé. C'est le commissaire gouvernement nan réquisitoire que le voye ba juge d'instruction li mette non là-dedans. C'est la première possibilité. L'autre possibilité, c'est le par exemple ou moun ki ta déposé plainte avec constitution de partie civile et ta mette non en plainte. Yon le sa ou nommément visé par la plainte de la partie civile ou bien nommément visé par le réquisitoire du commissaire du gouvernement. Attends. Et troisième étape là, troisième condition que tu as fait que ou qu'a inculpé au monde, c'est l'autre a des indices graves et concordants contre Mounza comme quoi elle t'a participé ou bien dans Axa ou bien t'a commettre Axa lui-même. Ok, magistrat, ça veut dire l'œil au inculpé au monde, ça veut dire yo joine mais on trempé quelque part dans enquête droit pénal. Oui. Okay. Ça veut dire que l'œil inculpé même s'il n'est pas responsable, capable de complicité, capable de complicité, le cap c'est lui-même qui fait. Reprendre, mais il y a des bagages qui t'a laissé comprendre que Mounsa, il y a des bagages pour le de près ou de loin avec Axa. Et inculpation, donc, c'est que formellement, il dit que Mounsa a une participation dans l'enquête Cap-Ménère. Dans l'enquête Cap-Ménère. Okay. En créole, en créole, pour tout le monde qui a entendu nous comprendre, il dit on vient le vendre, il dit Pierre-Emmanuel, d'après ça nous vient là, c'est vous-même qui faites le bagage, mais qui ça, la justice reproche. Ok. Et c'est sous ça que nous prenons le temps de vous, parce que nous pensons que c'est vous, ou complice dans la raison, ou bien c'est vous qui faites. Et peut-être ça, ou besoin, selon la disposition de la Constitution, il faut que vous ayez un avocat qui assiste. Avocat pas parce que tout ça, vous avez dit capable de servir. Tout ça, nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas répéter ça, parce que vous avez un film, nous prenons le temps. Mais en fait, c'est ça que vous avez dit. Ok. Parce que nous, pour qui ça, l'homme est ton bagage sous dol, ou qui est intellectuel, lui-même, il a le droit pour défendre la tête. Les gens pour défendre tête et moun sa qui pas qu'on doit l'obligé d'un avocat qui pouvait à ce que avocat Boval dit et pas c'est avocat Boval comme ça dit avocat Boval dit que c'est pas monsieur qui fait parce que tel bar fait tel jeune avocat là parce que c'est dans phase d'instruction et avocat là pour veiller à ce que droit moun nan pas violé pour veiller à ce que magistrat pas fait moun nan dit ça le pas doit dire. Ça l'a pas dit, par exemple. Vous comprenez? Pour magistrat pas faire pression sur inculpé, sur moun sa, met ton bagay sous dol là. Avocat en général, il n'est pas venu défendre moun dans le cabinet d'instruction. Constitution a bien dit, oui, assister. C'est un assistant. Parce que si avocat empêche moun nan parler son bagay que le connaît, c'est obstruction à la justice quelque part. Moi, m'abdou sincèrement que. Parce que en même temps, gagné yon bagay. Qui dans tête monde dans la rue c'est que si ou gon avocat c'est pour le capable empêcher di son pas doué di avocat pas gen fonction ça dans cabinet d'instruction. OK. Avocat pas fonction dans cabinet d'instruction. Ça veut dire qu'on reconnaît que avocat capable accompagner client dans cabinet d'instruction. Avocat gen droit son droit constitutionnel pour que l'accompagner client dans cabinet d'instruction. Mais là n'a parlé de client devant cabinet d'instruction client que le gagne son client qui est inculpé. Automatiquement que moun sa pas inculpé m'ba reconnaître que son client quel que soit avocat qui n'a payé. OK. Donc différence là qu'on fait magistrat c'est au niveau de ou moun ko invité pour venir témoigner qui pas gain aucune inculpation donc aucune accusation formelle. Voilà. Différence là sont question de qualité. OK. Interlocuteur. Qualité voilà, qualité interlocuteur qui devant juge. OK. Le son témoin ou après sa déposition sont des voies civiles que la rempli, il pas besoin gain avocat. Pas gain aucune loi. Avocat jusqu'à présent vous confirme qu'avant de mon loi qui dit que on témoin de grand avocat. Il parle donc que m'ba ba aucun texte qui empêche le. M'ba quoi avocat c'est juge. M'ba quoi ça. Et m'a dit pour qui ça. Imaginons on mandé un citoyen qui a venu en plein de voie civique. Et puis moi la m'relo. M'ka relo deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, chaque fois m'relo, obligé pour un avocat. Mon nan la vinn aider la justice. Éclairci ça qui passé hein. La vin aider la justice, joindre la vérité, et puis pour la payer peut-être encore. Magistrat pose un problème profond là, qui t'a parlé dans la rue. Gagnant, d'une part, des mondes qui croient, puisque sous certains dossiers chauds, que ça que sorti en capable yon manipulation bien, yon manœuvre politique quelque part. Mais gagnant pile monde qui croient, li capable question tout simplement d'intérêt personnel, parce que en définitive, ou empêcher que magistrat ou fait quoi bio. Est-ce que d'après vous, c'est assuré tout ça? Magistrat ou avocat? Avocat ou fait quoi bio? Moi, m'a gagné fonction pour m'opiner sous intention yon avocat. Moi seulement connais que en tant que magistrat, m'a fait travail moi. Jean que la loi dit pour me faire, même pas pour faire, Jean que avocat voulait pour le faire. Et tout en tant que moi, je juge d'instruction, ce n'est pas un avocat qui va me dire comment pour me faire travail, pas maintenant, parce que moi, ça m'a fait, m'apprendre à faire. Mon cas font erreur, tant que n'importe qui mon cas font erreur. Même pas pour faire exprès pour me faire erreur. Le problème qui pose, c'est qu'en Haïti, il n'y a pas croire dans la jeunesse. Il y a une série de monde qui pas croire dans la jeunesse. OK? Petit toujours dire, c'est le cap président demain, c'est le cap juge demain, c'est le cap sénateur demain, c'est le cap député, c'est le cap maire, c'est le cap professeur. Sou pas préparer le jeudi, hein, demain, ou a bien des cancres au niveau des pouvoirs. Jeudi, moi je veux dire un seul bagaille. Ce n'est pas parce qu'au grand monde a une barbe blanche qu'on a une connaissance par son jeune. Et moi, c'est le temps pour que pour rabaisser au magistrat, pour qu'à chaque fois pour dire que vous êtes jeune. Et moi, c'est le seul mot que actuellement qui courant, il est jeune. Est-ce qu'on sentit que ou pour contour, est-ce qu'on sentit que ou fragilisé pendant le dernier temps, ça y est, j'en dis là, puisque il est possible effectivement que ou l'autre avocat capable quelque part dit un petit jeune qui saute dans le pays la France qui connaît la vie de la leçon, parce que souvent il reproche d'être quelque part un magistrat arrogant. Bon, moi je ne sais pas qui c'est le magistrat arrogant. Seulement je pense que yon moun, même si vous n'êtes pas magistrat, ou te mette n'importe quoi de ça, ou te mette des chambres, ou te mette des machines, ou te mette des machines, ou te mette des machines, ou te mette des machines, l'on moun vle prendre personnalité pour le passer en papier, ou rien pour devoir, pour réagir, pour sauvegarder intérêt ça qui ont intérêt privé. Personnalité ou pas acheter, ou former, ou faire. OK? Là, yon avocat vient dans le cabinet. Ou. Et puis, li vle, li tient à ce que ou fait yon acte, jan ke li vle. Et que ou dit non, maître. Ce n'est pas ça la loi dit. La loi dit, mais comment pour le fait? Et puis, pour avocat prend constitution, li voye le sous magistrat. Normalement, réaction magistrat, ta doué fait procéder à arrestation, avocat ça. Mais, ça qui pisse ça, c'est mettre l'heure. Est-ce que juge l'arrogant peut-être ça? Est-ce que c'est pas, ce n'est pas de l'arrogance quand un avocat, parce que tu es ancien ministre, parce que tu es ancien ceci, cela, parce que tu as un wage pouvoir dans mail, pour autoriser tête li frapper un livre son magistrat? Est-ce que Baroa a pour devoir, pour le monter, pour lui faire sa explication? Pour avocat ou bien est-ce que il y a pour devoir pour le servir contre avocat ça? Claude Gassin, est-ce que vous senti ma retourner sur ça? Est-ce que vous senti des fois ou pour contre quelque part dans l'appareil judiciaire, puisque ou l'autre avocat ou fait référence à yon certaines habitudes qui gagnent, gain des respects de certaines habitudes que ou vinn bouleverser? Est-ce que c'est parce qu'on croit dans une certaine indépendance de la magistrature, ou bien parce que vous voulez quelque part déranger? Mba kwem da seul magistrat non ta ka gen comprendre ça. Ki ta kwè nan yon indépendance. Mais avec beaucoup de réserve m'a dit une forme d'indépendance de la justice. Parce que la justice n'est pas autonome. Mba kwem da seul magistrat ta kwè nan indépendance magistrature. Mba kwè que m'ta seul citoyen ta kwè la dalle. Gen yon certaine habitude comme je dis. Une certaine routine dans la magistrature, dans la distribution de la justice. Il y a une certaine routine que moi, je ne connais pas. M'avouez que je ne connais pas la routine. Parce que la routine, ce n'est pas droit lié. La routine, ce n'est pas justice. La routine, c'est Pierre-Emmanuel veut faire ça comme ça, le faire comme ça. Le juge Garçon veut faire comme ça, le faire comme ça. Non. Moi-même, je fonctionne à partir des textes. Et sans texte, Mbaka a fait routine avec moun. Donc, même on dit c'est la loi qui veut le conseil. La loi qui veut le conseil, la fête comme ça. Effectivement, on a certaines routines. Mais là, on tient à ce que c'est la loi. J'ai la loi dit le fait pour le fait. On a pris un petit pause tout court. On a tourné avec des dossiers chauds quand même que magistrat Claudie Gassan a travaillé sur eux d'une part. Mais tout, c'est un incident qui t'a fait en pile bruit pendant le dernier temps. On a gagné pour nous aborder pendant un rencontre nous avec juge Claudie Gassan. Interface, parce que brasser l'idée, c'est craser barrière, pas comprendre.